France Impro, ça donne chaud. Bonjour et bienvenue sur France Impro, l'émission consacrée aux musiques improvisées sur Radio FMR 89.1. Aujourd'hui, nous avons une émission un peu spéciale avec une programmation musicale, une émission complète de programmation musicale sans publicité, qui a été préparée par notre ami Marc Demereau, un grand monsieur de la musique improvisée et de la musique tout court, musicien actif sur Toulouse et un peu partout, dont il est souvent question dans cette émission pour ceux qui nous suivent. Voilà, donc je lui laisse la parole, il va présenter un petit peu sa sélection et puis il passe à la musique pendant une heure. Bonjour. Donc là, je propose une sorte de playlist, on va dire, pour l'émission. Je parle un peu maintenant et après je parlerai plus. Après, il n'y aura plus que de la musique. Et grosso modo, ce qui m'a suggéré un peu cette playlist, c'est deux petites choses. C'est une réflexion que j'ai entendue d'une personne que je connais qui disait dans une soirée il n'y a pas longtemps, qui parlait avec quelqu'un et qui disait ben moi maintenant j'écoute que de la musique improvisée, tout le reste ça me j'en suis fatigué et il n'y a plus que ça qui m'intéresse, il n'y a plus que ça qui me passionne. Voilà, c'est juste un propos que j'ai saisi comme ça du coin de l'oreille et qui m'a fait réfléchir. À un moment, je trouve ça chouette, et à un autre moment, je me dis, mais c'est marrant parce que moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Et ça m'a fait réfléchir sur les différences de fonctionnement. Voilà. Et c'est-à-dire que il n'y a pas de jugement là-dedans, il n'y a pas une attitude qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Je ne suis pas du tout dans ce propos-là. C'est juste, il y a des modes de fonctionnement différents, comme il y a des gens différents dans le monde, il y a des attitudes différentes, il y a des modes de vie différents. Et justement, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, au niveau de la musique, ben, c'est les musiques différentes qui m'intéressent beaucoup, toutes les différences qu'il peut y avoir entre les musiques. Je suis très très curieux de ça. Et aussi de la liaison entre la musique et les gens qui la font, les peuples qui la font, qui font la musique, les époques auxquelles vivent ces peuples. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, je fouille partout, beaucoup sur Internet d'ailleurs, pour découvrir sans arrêt des tas de choses qui m'auraient échappé. C'est pas pour être encyclopédiste ou pour savoir, c'est juste pour parce qu'en tant que musicien, en tant qu'improvisateur, en tant que compositeur, ben tout ça, ça me nourrit beaucoup. Et puis aussi, je suis très, comment dire, touché par cette idée que ben, une musique, c'est le mode d'expression d'un groupe social à une époque donnée, et que ben, la musique improvisée, par exemple, c'est le mode d'expression d'un groupe social à un moment donné, à une époque, et que ben, tous les groupes sociaux de toutes les époques m'intéressent beaucoup, surtout quand ils subliment leurs croyances, leurs besoins, leurs émotions dans de la musique. Et donc je disais, je fouille beaucoup sur Internet, par exemple, ben, pour chercher des choses que j'ai pas encore découvertes. En particulier, je rends hommage à beaucoup de blogs sur lesquels des gens mettent en partage des choses qui sont condamnées à disparaître, par exemple. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie et beaucoup de passion à numériser des choses, des vieux vinyles qui seront jamais publiés en CD et qui du coup vont disparaître, et même de ces vieux vinyles, en particulier des vinyles de musique du monde, ben non seulement les vinyles disparaissent, mais les gens qui faisaient les musiques qui sont enregistrées sur ces vinyles, ben, ces gens décèdent, et les musiques elles-mêmes, ben, il n'y a plus personne pour les faire. Donc finalement, les gens qui se consacrent à ce genre de blog, ben, ils font survivre un mode d'expression Et c'est passionnant, et heureusement qu'ils sont là. Donc on peut, y a des gens qui crient contre le téléchargement, que c'est illégal, etc., etc. Si on le voit sous cet angle-là, c'est une question débile. Et ensuite, toute cette musique, moi je la stocke, j'ai une grosse tablette dont je me sers beaucoup. Alors bon, j'achète des CD, hein, j'achète des vinyles, j'écoute, je vais au concert, tout ça. Mais la musique que je télécharge, je la stocke sur ma tablette. C'est une grosse tablette qui se fait plus, c'est un modèle Arcos. Arcos, ils avaient sorti ce truc, c'était. Ça n'existe plus, c'est quelque chose qui fait 500 gigas. Donc j'ai à peu près 500 gigas de musique sous divers formats, mais ça fait beaucoup de musique. Et là-dedans, ben, y a tout, il y a de la musique contemporaine, il y a du jazz, il y a du blues, il y a de la musique improvisée, il y a des musiques du monde, il y a du rock, il y a du noise, il y a toutes sortes de choses. Et j'en ai pas encore écouté le tiers. Et du coup, j'ai découvert il y a un moment qu'il y avait sur ma tablette une fonction random. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais un grand trajet en voiture, ben, je mets ma tablette en random et c'est elle qui me fait la playlist. Et je suis toujours épaté par les playlists que le random de ma tablette me fait. Ça fait des playlists complètement hallucinantes où, ben, il peut y avoir un morceau de Jimmy Smith, et juste après, ben, il y a Michel Donnellan, et juste après, il y a John Cage, et juste après, il y a la musique traditionnelle du Mexique, et juste après, il y a This Heat ou The Next, ou. Voilà, il y a. Bon, après, c'est mon choix. C'est-à-dire, il n'y a pas Beyoncé, il y a certaines choses qu'il n'y a pas sur ma tablette, évidemment. Mais ça me donne des playlists qui me passionnent parce que quelque part, ben c'est mon esprit qui. Dans un morceau, je me dis toujours qu'est-ce qu'il va y avoir après? Et quand il y a le truc après, je fais waouh! Et mon esprit essaye de faire des liens entre. Alors qu'il n'y a absolument aucun lien, c'est le random qui a fabriqué ça, mais des fois, on peut trouver une intelligence entre un truc qui vient de se passer et la chose qui vient après, qui n'apporte rien à voir. Ça peut être le tempo, ça peut être la tonalité, mais ça peut être aussi toutes sortes de choses. Voilà. Il y a une grande poésie là-dedans, dans ces juxtapositions-là. Voilà. Tout ça pour dire que ma playlist, moi j'ai essayé de la faire un petit peu dans cet esprit-là. Voilà. Il y a toutes sortes de choses, je ne dis pas quoi. Des choses qui s'enchaînent. Alors. Je fais pas vraiment ce que ferait ma tablette parce que par exemple, ben, il n'y a pas de Duke Ellington, il n'y a pas de Jimmy Smith, il n'y a pas de Led Zeppelin, il n'y a pas de David Bowie, il n'y a pas de voilà, de choses comme ça, il n'y a pas de Jean-Sébastien Bach. Mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire, il y a certaines esthétiques qui ne sont pas représentées. Mais après, ça zappe un peu. Voilà. Donc, ben, je vous invite à écouter ça et. Si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez entendu, ben il faut aller voir sur. Sur le site internet de France Impro, sur franceimpro.net, on mettra toutes les références pour creuser. Voilà. Merci beaucoup Marc et bonne écoute. Bonne écoute. Au revoir. Thank you.

We'll be right back. wanted. Pictures in the magazines might seem more certain, but somewhere in between the lines, there's no plain reading, and you know that's why you put scales on me. My soul returnable, exchangeable, impressionable. My price tag sell by date, replaceable like vegetables. I think I'm built to last, can change your past, it was a blast. They think you're losing time, you realign. You treat me like cash back. Cash back, you spend me, you trash me. The truth. a storm of stars in the sky, turn to quiet, and soon none of us will sleep under the earth. We who never let each other sleep above it. Vous êtes sur France Impro.